Qui est le vrai Roshi? Un notable indien appelé Roshi était un gripsou, un harpagon. Il y a deux sortes d'avares. Le racle de nier qui entasse pour le plaisir d'entasser, de cajoler son argent mignon, et le pingre qui rationne sa maisonnée, son entourage, pour jouir seul de son bien. Tel était Roshi, un abominable égoïste. Un bel après-midi d'été, il partit dans la forêt avec pour toute compagnie un âne chargé de victuailles. Là, ayant repéré un endroit tranquille, il s'installa, s'étala, prit ses aises et commença un plantureux repas. Il se goinfra de viande, de riz au curry, de desserts, surtout les crèmes sucrées dont il raffolait. Il but en abondance les vins les plus rares, les plus chers, les plus capiteux. Enfin, repu, heureux, il déclama ainsi à l'adresse du ciel, des oiseaux et des bêtes des bois. « Moi, Roshi, c'est maintenant mon festival. À mon gré, j'ai du vin, et grande est ma volupté. Je surpasse et passe tout homme, et l'emporte sur chacun, l'empereur des dieux. » Or, ce jour-là, chacun l'entendit par hasard. Il fut outré de l'impudence et de la vanité du personnage, et décida de le châtier. L'empereur des dieux, qui règne sur 32 cités, prit alors la forme et le visage de Roshi et se présenta dans sa demeure. À peine entré, il ordonna que l'on ouvre les greniers et que l'on distribue sans compter le grain aux pauvres de 10 régions. Quand il ne resta rien, il vida les coffres et dispersa l'or. Chacun en reçut, du moindre serviteur jusqu'au plus petit marmiton. Enfin, il fit mettre les tonneaux en perse et le vin coula à flots. On l'entoura, on l'embrassa, on le fêta. La liesse était à son comble et ce n'était que ripaille, rire et chanson lorsqu'on entendit quelqu'un frapper rudement au portail. « Hola, maudit fainéant, il n'y a donc personne pour m'ouvrir ?» C'était le vrai Roshi qui s'en revenait de la forêt.